Il n'y a pas le mystère dans le frondaison. Foot, c'est à toi de le créer. Tu es, je, un être fait tomber sur terre. Fantasia. Fauché, c'est pas faux. Fulgurance, suffigane. Sous la férule de les festons de ces vagues folâtres, ils se comportent comme des seigneurs féodaux, une flamberge prodigieuse avec des armes nucléaires. Fourant, fuligineux, les filles, ça se laisse faire, mais ça oblige les garçons à faire. Nous serions heureux des flas. Oh, des flas. Me pensive, sourmillon, fourmillon. Que des ailes célestes nous emportent. Jean Arthur. Fraîcheur, surie, faire un film, fuligineuse à la Godard, avec des acteurs, flaxide, férule, le faire à croire. Sur scène, furtif, foulé, ne faire rien et tout se fera. Fourbi, fiefeux, fat, fruste, furibond, fort intérieur, feulement, dififrelin, furibond, mi-pharo, mi-gêné, le cas Richard avoua, j'ai tout piqué en 86 à ce type, le Sébéry. Au fait de sa gloire, prêtez le flanc à factotum des fourrés, folières, en filigrane. Ah, 2 minutes 28. À fond perdu, avec force mot, avec force drapeau américain, se parle. Quand vous opposerez-vous consciemment à la ferme, quand cesserez-vous de vous identifier à ce qui vous définit, fatrasie. Agir comme s'il ne devait jamais exister de futur. Flappy, fil ou fourbu tiré au flanc. Être sur le flanc comme flanc de. Prêter le flanc. Fais-tu en filigrane félibreux brige. Faridou. Faut fabriquer de l'inconfort pour créer. Le parfum trop lourd des fatoums trop rapide, falbala, fuminate, fureté, existence, au fortin.